Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 39. En ce temps-là, Merodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des livres et des présents à Ézéchias, car il avait appris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. Ézéchias se réjouit à l'arrivée des députés, et leur montra le lieu où étaient conservés les aromates, l'argent et l'or, les parfums et les essences les meilleures, tous les endroits où étaient les meubles et tout ce qui se trouva dans ses trésors. Il n'y eut chose que ne leur montra Ézéchias de ce qui était en sa maison et toute sa puissance. Or Isaïe le prophète entra auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers vous ?» Et dit Ézéchias « C'est d'une terre lointaine qu'ils sont venus vers moi, de Babylone. » Et le prophète dit « Qu'ont-ils vu dans votre maison ?» Et Ézéchias dit « Tout ce qu'il y a dans ma maison, ils l'ont vu. Il n'est chose que je ne leur ai montré dans mes trésors. » Et Isaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole du Seigneur des armées. Voilà que des jours viendront, et que sera emporté à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce qu'ont amassé tes pères jusqu'à ce jour. Rien ne sera laissé, dit le Seigneur. Et en prendra de tes fils qui sortiront de toi, et que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Et Ézéchias dit à Isaïe, « Bonne est la parole du Seigneur que tu as dite. » Puis il dit, « Qu'il y ait paix seulement et vérité durant mes jours. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.